travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Je jure sur mon honneur et je jure par la patrie que je ne laisserai ni répit à mon bras, ni repos à mon âme, tant que je n'aurai pas brisé les chaînes qui nous oppriment par la volonté du pouvoir espagnol. Désormais, Simon Bolivar, vous serez El Libertador. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je vous retrouve ce matin dans le cadre du festival du film historique de Pessac, qui entretient et qui illustre en Aquitaine depuis déjà 30 ans, au profit d'un public fervent, un commerce fécond entre notre discipline et le cinéma, et qui va se dérouler tout au long de la semaine prochaine. Pour l'édition de 2019, c'est le thème de l'Amérique latine qui a été choisi, un choix ratifié par une actualité que secoue sur ce continent bien des turbulences, et le mot est sûrement trop faible. Dans la quête d'une profondeur temporelle, nous allons parler d'un homme dont la trace demeure là-bas, on le constate tous les jours, sans pareil. Nous allons nous attacher à comprendre pourquoi l'ombre de Simon Bolivar continue de planer après 2 siècles écoulés sur des événements qui renvoient constamment à sa mémoire. Cette semaine même, le pays dont le nom vient du sien, la Bolivie, a expulsé, après des années de règne, le seul président indien qu'on n'y ait jamais connu. La République bolivarienne du Venezuela, l'adjectif date de la fin du précédent siècle, ne cesse pas de descendre la pente d'une décrépitude dramatique. La Colombie, que Bolivar a tant marquée de son empreinte, peine toujours à sortir des séquelles d'une sanglante guérilla. On pourrait allonger la liste du côté notamment de l'Équateur et du Pérou. Bolivar est partout, et cette plasticité d'une mémoire, instrumentalisée de toutes parts, ne peut s'expliquer que par la complexité et les contradictions d'un personnage qu'il n'est pas aisé de saisir. Pour tâcher d'y pourvoir, j'ai invité Jean-Michel Blanquer, non pas le ministre, que chacun sait qu'il est actuellement, mais le professeur des universités, qui fut chercheur à l'Institut des études andines en Colombie, un pays sur lequel il a beaucoup écrit, qui fut directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et recteur en Guyane. Je l'accueille avec plaisir. Et pour commencer, Pablo Neruda, grand poète chilien. Un chant pour Bolivar. Notre Père qui est sur la terre, sur l'eau, sur l'air, de toute notre vaste étendue silencieuse. Tout porte ton nom, Père, dans notre demeure. Ton nom de canne à sucre incite à la douceur. L'étain Bolivar a un éclat Bolivar. L'oiseau Bolivar sur le volcan Bolivar, la pomme de terre, le salpêtre, les ombres singulières, les courants, les couches de pierre phosphorique, tout ce qui nous appartient provient de ta vie éteinte, les fleuves, les plaines, les clochers furent ton héritage notre pain de chaque jour, Père. Ton ombre nous conduit vers l'espérance. Le laurier et la lumière de ton armée rouge regardent par ton regard à travers la nuit d'Amérique. Tes yeux qui veillent au-delà des mers, au-delà des peuples opprimés et blessés, au-delà des noires villes incendiées, ta voix naît à nouveau, ta main naît une fois encore. Ton armée défend les drapeaux sacrés, la liberté agite les cloches sanglantes et un son terrible de souffrance précède l'aurore rougie par le sang de l'homme. Libérateur, un monde de paix est né dans tes bras. La paix, le pain, le blé naquirent de ton sang. De notre jeune sang venu de ton sang surgiront la paix, le pain et le blé pour le monde que nous ferons. J'ai connu Bolivar par un long matin à Madrid, au sein du 5e régiment. Père, lui dis-je, es-tu ou n'es-tu pas? Ou qui es-tu? Et regardant le quartel de la montagne, il dit: je m'éveille tous les 100 ans quand le peuple s'éveille. Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour. J'ai choisi d'ouvrir notre conversation avec ce poème de Pablo Neruda, le grand poète chilien, Un chant pour Bolivar, qui est extrait de son recueil Résidence sur Terre, qui a été publié au Chili en 1933, qui est lu ici par Pierre Constant dans l'émission Poème du Monde sur France Culture le 10 juillet 1971. Il m'a paru qu'il n'était pas malvenu d'ouvrir sur la poésie, d'ouvrir sur le littéraire, d'ouvrir sur l'épique concernant un homme de ce calibre-là et de cette étrangeté-là. Votre choix me fait penser à ce que disait Rémusa vers 1830 quand il faisait une distinction entre les grands hommes et les héros. Et Bolivar est un grand homme, mais qui devient un héros précisément parce qu'il rentre dans la poésie. Les héros sont, selon Rémusa, ceux qui deviennent objets de poésie. Et là, on vient de l'entendre de manière très emblématique. Et en effet, Bolivar, dès les lendemains de sa mort, entre dans une sorte de mythologie et dans une forme de poésie épique. C'est ce que nous allons essayer de montrer une heure durant. J'ai relevé qu'en 1828, Goethe, grand Goethe, disait à propos de Bolivar, qu'il admirait, vous allez voir, d'une façon un peu ambivalente, c'est un homme parfait, car il ne manque pas de contradictions. Oui, ben, je pense que c'est une bonne définition. Peut-être que le grand homme et même le héros est dialectique et donc a besoin de s'appuyer parfois sur des contradictions pour avancer. Il y a plusieurs Bolivars, c'est incontestable, et sur le plan de son évolution théorique, notamment en tant que constitutionnaliste, et puis même en tant qu'homme, il a des facettes très diverses. Et c'est ce qui fait la richesse du personnage, et c'est aussi ce qui fait que des personnages très divers ensuite peuvent se l'approprier, précisément en appuyant sur tel aspect ou tel autre de Bolivar. Nous allons tâcher de démontrer cela. Je relève ce propos d'Yves Saint-Jour, un excellent spécialiste de ces choses, qui disait que Bolivar était ballotté entre l'utopie la plus romantique et le pragmatisme le plus terre-à-terre. Et que par conséquent, sa trajectoire avait pu mener de l'exaltation du succès au désespoir des rêves perdus. C'est presque le résumé de notre conversation qui s'ouvre. Oui, absolument. Et c'est aussi ce qui fait qu'il a pu être ce qu'il a été. C'est-à-dire qu'il a eu une capacité d'adaptation incroyable. C'est-à-dire que c'est à la fois un intellectuel, sans aucun doute, et un homme de son siècle, un homme qui a été formé aux grands auteurs, qui a été formé à la culture antique. Donc il est imprégné de tout cela, et sa manière de s'exprimer le montre considérablement. Il y a un lien avec l'Antiquité en particulier qui est très visible. Et en même temps, c'est un homme de terrain, c'est un homme de guerre, bien entendu, et un homme capable de s'adapter à toutes sortes de situations. Un homme capable aussi d'avoir des coups de génie, y compris sur le plan tactique, que ce soit la tactique politique ou la tactique militaire. Et un homme capable d'évoluer en fonction de circonstances qu'il analyse. Donc il y a cette plasticité, en effet, de Bolivar, mais qui va aussi avec un sens de la grandeur. Ces contradictions se retrouvent d'ailleurs dans les archives sur lesquelles les historiens travaillent, qui sont apparemment dans un grand désordre. Il avait l'habitude de dicter, un peu comme Napoléon, un de ses héros, 3 lettres à la fois. Oui, il était plastique aussi dans ce sens-là, et c'était en plus une personne qui écrivait beaucoup, s'exprimait beaucoup, et donc on a des traces assez importantes de Bolivar, même s'il y a ensuite un certain nombre de trous aussi dans sa biographie, des moments qui sont plus difficiles à reconstituer, notamment son second séjour européen, où il est parfois un petit peu difficile de le pister. Avant d'en arriver là, peut-être pourriez-vous, Jean-Michel Blanquer, peut-être pourriez-vous résumer les débuts de son destin, disons jusqu'aux années 1820, pour le rappeler à nos auditeurs, son origine familiale en particulier. Si on doit résumer, on peut dire que Bolivar est un aristocrate créole, c'est-à-dire issu d'une famille de grands propriétaires terriens, dont les origines peuvent être tracées jusqu'au Xe siècle en Espagne, qui a grandi avec une certaine opulence, mais qui a été orphelin très tôt, qui a été confié à différents adultes. D'ailleurs, ça a été très tôt l'objet de conflits, de savoir qui devait s'en occuper. Il y a son fameux précepteur rousseauiste Rodriguez. Oui, Simon Rodriguez, qui est un personnage en soi et qui a beaucoup d'importance et qui est même lui aussi une sorte de héros de l'Amérique latine. Hugo Chavez y fera souvent référence. Et là aussi, on est déjà dans la geste bolivarienne parce que on voit l'enfant Bolivar, l'adolescent Bolivar, influencé par les grandes théories des Lumières, les grandes théories du XVIIIe siècle, et notamment Rousseau, Montesquieu, qui lui parviennent au travers de son précepteur Simon Rodriguez. Mais il a eu aussi le fameux Andrés Bello comme précepteur. Et donc, c'est déjà un enfant qui naît avec beaucoup de fées sur son berceau, d'une certaine façon. Qui est Andrés Bello ? Andrés Bello, qui est un intellectuel aussi, qui aurait pu être un personnage public important, d'ailleurs, au Venezuela, puis qui a eu à s'exiler ensuite vers le Chili, et qui ensuite est devenu très grande référence intellectuelle pour l'Amérique latine. Et donc, l'enfant Bolivar a déjà un certain nombre d'atouts dans sa formation. Et puis, il y a le Grand Tour en Europe, qui fait partie de la formation des jeunes aristocrates à l'époque, qui se trouve à des moments historiques, d'ailleurs. Tout à fait. En tant que créole, il a une relation ambivalente avec l'Espagne, forcément. C'est-à-dire que il est espagnol, par définition, puisqu'il fait partie de l'Empire espagnol. Mais en même temps, il y a cette grande division qui se constate dès les premiers temps de la colonisation, mais notamment au XVIIIe siècle, quand les créoles en ont en quelque sorte assez de voir que ce sont les Espagnols qui monopolisent le pouvoir, alors qu'eux-mêmes voudraient l'exercer. Donc il part en Espagne, c'est l'occasion de voir aussi une forme de faiblesse de la tête espagnole de l'Empire. Et puis c'est l'occasion de se marier. Il rencontre sa femme. Il rentrera ensuite. Ça a été bref parce qu'elle est morte. Exactement. Il rentre au Venezuela. Il commence. Il a assisté au sacre de Napoléon. C'est important de le rappeler. Alors oui, mais dans son second voyage en Europe, puisqu'il rentre au Venezuela, il s'apprête à vivre une vie de patricien finalement. Mais sa femme meurt de la fièvre jaune. Et là, il jure de ne plus jamais se marier. Et commence une vie finalement plus aventureuse. Et c'est là que se situe aussi son second voyage en Europe. Il assiste effectivement au sacre de Napoléon. Il passe beaucoup de temps en France, où il rencontre toute une série de personnages. Il circule en Europe. Il va notamment en Italie. Et c'est là que se situe, là aussi, un moment qui relève peut-être de la mythologie, mais qui il y a en tout beaucoup cas, de mythologie autour de Bolivar. Où il fait le serment à Rome de libérer ce que l'on n'appelle pas encore l'Amérique latine, en tout cas l'Amérique espagnole. Et ce serment est en quelque sorte le point de départ d'une carrière, en quelque sorte, et d'une carrière de libérateur. On peut rappeler que l'évolution de la situation espagnole a joué un rôle, puisque il y a eu la conquête napoléonienne, la guerre de patriotique contre Napoléon, le départ du roi Joseph, le frère de Napoléon, le retour des souverains, et puis leur départ. Donc en fait, cette libération va se faire à la fois contre la dynastie traditionnelle et dans le même temps contre l'Espagne. En fait, les choses se passent en effet en deux temps et avec cette ambivalence initiale que vous venez d'indiquer. Bolivar, lui, est rentré au Venezuela à ce moment-là. Et effectivement, l'invasion de l'Espagne par Napoléon a créé un affaiblissement de la tête. Et c'est au nom de la défense contre Napoléon de la couronne espagnole que les premiers insurgés de l'Amérique espagnole s'insurgent. Et donc on a la constitution de Juntas, c'est vrai au Venezuela, mais c'est vrai aussi en Argentine et dans d'autres parties de la région. Et ces juntes donc disent vouloir défendre la couronne espagnole, mais en réalité exercent un pouvoir autonome du pouvoir napoléonien qui est en place à Madrid. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un premier temps, ce premier temps qui va en gros de 1810 à 1815, qui est la première tentative d'indépendance vis-à-vis de l'Europe. Et dans ce moment-là, Bolivar joue un rôle important. Il n'est pas le premier chef, si je puis dire. Il est notamment derrière la figure de Miranda qui est encore une autre très grande figure des indépendances latino-américaines. Il avait été à Valmy. Qui avait été à Valmy, dont le nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe à ce titre, qui a là aussi une vie absolument incroyable à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, puisque c'est un homme qui a participé à la Révolution française, c'est aussi un homme qui a vécu beaucoup en Angleterre et qui semble avoir participé à peu près à tous les événements historiques de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, et puis qui vit un petit peu en reclus en Angleterre, en théoricien de l'indépendance, quand Bolivar lui rend visite justement lors de son second séjour européen et l'incite à revenir au Venezuela. Et ce qui est intéressant dans la trajectoire de Miranda, c'est qu'il est d'une certaine façon l'homme du premier temps de la tentative d'indépendance, premier temps donc avorté. Ça se terminera d'ailleurs assez mal dans les prisons espagnoles entre Miranda et Bolivar, mais Miranda a mérité le titre de précurseur, le précurseur, parce qu'il a été celui qui a théorisé l'indépendance et qui en même temps en a été l'acteur de la première tentative. Alors vous nous dites bien qu'il a fallu y revenir plusieurs fois avant que le Libertador mérite vraiment le titre qui lui est donné assez vite. Et il y a un texte de réflexion important que l'on cite toujours, qui est la lettre à un habitant de la Jamaïque, qui est rédigée à l'occasion d'un de ses exils. Il est allé à Haïti en particulier. Je vais vous donner à entendre un extrait de cette lettre. Elle est lue ici par Pierre Vernier dans Les Chemins de la Connaissance sur France Culture le 1er janvier 1987. Il faut, Jean-Michel Blanquer, que nous entendions d'emblée la voix de Bolivar. C'est une idée grandiose que de prétendre faire de tout le Nouveau Monde une seule nation dont toutes les parties seraient liées. Puisque ces populations ont une même origine, une seule langue, une seule religion, les mêmes coutumes, elles devraient par suite n'avoir qu'un gouvernement qui fédéra les divers États constitués. Mais la chose n'est pas possible, car des cieux différents, des situations distinctes, des intérêts contraires, des caractères dissemblables divisent l'Amérique. Certes, il serait heureux que l'isthme de Panama devint pour nous ce que fut celui de Corinthe pour les Grecs. Plaise à Dieu que quelques jours nous ayons la fortune d'y tenir un auguste congrès des représentants de nos républiques, royaumes et empires, pour traiter et discuter des hauts intérêts de la paix et de la guerre avec les nations des trois autres parties du monde. Et pourquoi cet organisme ne tiendrait-il pas ses assises au temps heureux de notre génération? Mais non. C'est encore là un espoir sans fondement, semblable à celui de l'abbé de Saint-Pierre qui conçut la louable mais folle idée de réunir un congrès général qui décida du sort et des intérêts des nations européennes. Il est intéressant que Bolivar cite l'abbé de Saint-Pierre, qui est un des prophètes de la construction européenne. Oui, puisque Bolivar voit grand. D'une certaine façon, ce n'est pas small is beautiful, c'est big is beautiful chez Bolivar. C'est cette idée que, évidemment, on doit constituer de manière ample l'indépendance, c'est-à-dire avec une vision qui fédère l'ensemble des futures anciennes colonies espagnoles. Cette lettre écrite à la Jamaïque est entre les deux temps de l'indépendance, puisque le premier temps a été un échec. Bolivar est obligé de s'exiler. Il s'exile dans les Caraïbes, il va aller à la Jamaïque, il va aller aussi à Haïti, ce qui est un moment extrêmement important, parce qu'il est d'ailleurs très bien accueilli par le président Pétion, et il est influencé par ce qui a été la première indépendance réussie du continent américain, c'est-à-dire l'indépendance de Haïti. Et donc, ce moment jamaïcain est très important, qu'on peut aussi appeler le moment haïtien. Et c'est ce temps-là est un temps de réflexion pour Bolivar, mais aussi un temps d'organisation pour la deuxième partie de l'indépendance. Donc on retrouve avec l'extrait que vous citez à la fois et ce moment de la vie de Bolivar, cette dimension théorique, cette dimension d'intellectuel, de penseur de Bolivar, et en l'occurrence de penseur d'une Amérique ample, qui ne doit pas se subdiviser en États-nations, mais qui doit être une sorte de grande fédération. Penseur aussi de la particularité de cette Amérique espagnole, parce qu'elle a beaucoup de différences avec ce à quoi il peut la comparer, c'est-à-dire à l'Europe, aux grands empires antiques aussi, qu'il a évidemment à l'esprit. Et il essaye d'imaginer ce que pourrait être ce futur d'une grande nation indépendante sur le continent américain, alors même qu'il est conscient de tous les retards et du caractère passif finalement que ces territoires ont eu jusqu'à présent dans l'histoire. Et ceci l'amène à de très nombreuses réflexions. Puisque vous parlez de cette réflexion sur l'organisation de l'Amérique latine, qui est très importante effectivement chez Bolivar, le goût me vient de vous faire entendre un extrait, je vais peut-être vous surprendre, du général de Gaulle, d'un propos du général de Gaulle lorsque, dans sa fameuse tournée sud-américaine, il parle devant le Parlement du Venezuela, à Caracas, il pense bien sûr à ses propres problématiques européennes. Bolivar se demandait comment concilier la défense et l'illustration des nations qui sont en train de naître avec une préoccupation confédérale ou fédérale. Écoutons le général de Gaulle. Il y a entre vous et nous des ressemblances profondes. Nos deux pays sont attachés à la liberté, au respect de la personne humaine et au droit de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous sommes, vous et nous, je le crois, entièrement d'accord pour que toute oppression et toute hégémonie soient exclues de notre univers. Cela nous conduit à une conception du monde telle que s'y organise la solidarité des États de bonne volonté. Mais n'était-ce pas là déjà l'idée qui inspirait votre libertador Bolivar quand il convoquait la conférence de Panama? Aujourd'hui, sans doute, Bolivar estimerait, comme nous-mêmes, que pour des nations à qui tout commande de se rapprocher, l'océan Atlantique ne doit pas être un obstacle, combien est vrai surtout pour les Latins que nous sommes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, attachés aux mêmes principes, ayant un passé intellectuel commun, bien d'accord sur l'avenir, le Venezuela et la France peuvent et doivent élargir et approfondir leurs relations. Il me semble que c'est là la signification de l'émouvante cérémonie d'aujourd'hui. J'emprunte cette archive à un reportage de Jean-Claude Héberlé à l'ORTF le 22 septembre donc 1964. De Gaulle nous sert dans cette émission, Jean-Michel Blanquer, puisqu'il esquisse lui-même un parallèle entre l'Europe et l'Amérique latine. Oui, il y a d'ailleurs plusieurs choses dans ces propos du général de Gaulle dans ce fameux voyage de 1964, cette tournée en Amérique latine qui a eu beaucoup d'importance. La première, de nouveau, c'est la vision ample, celle dont on parlait précédemment, c'est-à-dire finalement une forme de géopolitique culturelle qui est à la base du raisonnement de Bolivar comme du raisonnement du général de Gaulle. C'est-à-dire à la base du raisonnement de Bolivar, c'est l'unité qui est une unité linguistique, l'unité d'origine, l'unité aussi quant à l'originalité de la des mélanges qui existent sur le continent américain. C'est-à-dire que Bolivar essaye de théoriser le fait qu'il y a des populations d'origine très diverses, et puis il essaye de théoriser les particularités historiques de l'Amérique espagnole quand il réfléchit à l'avenir du continent. Mais toutes ces réflexions le mènent à une idée fondamentale, ce qu'on appellerait parfois le rêve bolivarien, et dont on parle encore aujourd'hui comme projet politique, c'est-à-dire l'unité des nations latino-américaines. Le mot Amérique latine n'existe pas encore à ce moment-là, c'est un mot qui sera inventé dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais la chose est déjà là dans l'esprit de Bolivar, et la chose et le nom sont présents dans le propos du général de Gaulle, puisque le général de Gaulle, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, fait une référence directe à la latinité. Et donc là, on est devant une deuxième idée qui est le lien qui peut unir l'Europe, et notamment l'Europe latine, avec l'Amérique latine. Idée qu'on trouve aussi un peu chez Napoléon III, et qui est un peu à la base de l'expédition mexicaine, et idée qui a évidemment des fondements culturels que le général de Gaulle rappelle. Et c'est vrai que lorsqu'on étudie la vie de Bolivar et la pensée de Bolivar, on voit bien ses racines latines, on voit bien cette pensée qui s'alimente beaucoup à l'histoire de la Grèce antique et de la Rome antique, et tout ceci justifie une forme de parenté. Cette parenté est à la fois à l'origine de l'idée de Amérique latine, donc de l'unité de l'Amérique latine, et encore une fois, ce mot qui fut inventé à Paris dans la deuxième moitié du 19e siècle, même si on continue souvent à discuter de la façon dont il fut inventé, dit bien qu'il y a quelque chose qui unit ces nations, et puis en même temps l'union entre l'Europe et l'Amérique latine. Et là, c'est davantage le général de Gaulle que Bolivar qui souligne ça, parce que pour être parfaitement honnête, il faut quand même dire que la pensée de Bolivar, c'est aussi une pensée du détachement vis-à-vis de l'Europe. Il y a à la fois une crainte de la puissance de l'Europe, que ce soit l'Espagne ou même les puissances européennes, la France et l'Angleterre en particulier. Et d'une certaine façon, Bolivar, il a sa doctrine Monroe à lui, qui est que les puissances européennes ne doivent plus venir reconquérir le continent américain. Et là, on est vraiment dans une pensée des années 1820. Et puis, en même temps, Bolivar a aussi la crainte des États-Unis. Il voit bien que cette montée en puissance de ce nouvel État-nation peut représenter un danger pour l'Amérique qu'on appellera Amérique latine. La doctrine Monroe, c'est celle qui a été exprimée par un président des États-Unis dans les années 1820, affirmant qu'il était légitime que les États-Unis d'Amérique aient une proximité spécifique avec l'Amérique latine. Oui, c'est en 1823 que le président Monroe théorise finalement une forme de paternalisme des États-Unis vis-à-vis du continent, au nom de l'indépendance du continent américain vis-à-vis de l'Europe. Et cette indépendance du continent américain vis-à-vis de l'Europe peut justifier par la suite que les États-Unis interviennent en Amérique latine pour, entre guillemets, protéger l'Amérique latine de réincursions européennes. Et ça justifiera notamment un certain nombre de guerres vis-à-vis de l'Espagne. On comprend que De Gaulle soit attentif à cette question. C'est à peu près le moment où il va quitter l'OTAN, deux ans plus tard. Mais je pensais spécifiquement à cet équilibre si difficile entre l'aspiration à une unité chez Bolivar et la constatation que la colonisation a laissé déjà des frontières commencer à s'établir, que les nations surgissent. C'est un peu l'histoire de la fin de Bolivar dans les dernières années. En réalité, si on réfléchit au processus d'indépendance sur le continent américain et en y incluant ce qui s'est passé pour les États-Unis, on voit bien que la problématique principale est celle-ci, c'est-à-dire va-t-on être fédéral, va-t-on être global, si je puis dire, ou va-t-on être fragmenté ? Et on sait bien que c'est en réalité le clivage politique majeur au moment de l'indépendance des États-Unis, comme au moment de l'indépendance de l'Amérique espagnole. Sur le continent européen, et notamment en France, on est habitué à la naissance du clivage gauche-droite à la fin du XVIIIe siècle, à la faveur de la Révolution. Et si on réfléchit bien, ce clivage gauche-droite, c'est un clivage par rapport au temps, par rapport à une conception du temps, entre, disons, conservateurs et progressistes, pour dire vite. Et ce clivage est constitutif de la vie politique de l'Europe à partir de là. Sur le continent américain, c'est beaucoup plus le rapport à l'espace que le rapport au temps qui est constitutif du clivage politique. Autrement dit, et on le voit dans les premiers temps de la vie politique des États-Unis, où le grand clivage, c'est pas un clivage gauche-droite, c'est un clivage fédéraliste, anti-fédéraliste. Eh bien, dans le cas de Bolivar, on a la même chose. Bolivar est clairement ce qu'on peut appeler un fédéraliste, mais cette fois au sens de quelqu'un qui veut l'unité d'un très grand territoire en l'unissant sous le mode fédéral. En renvoyant d'ailleurs aux Américains. En renvoyant aux Américains, en renvoyant à toutes les théories fédéralistes, puisqu'il a par exemple parfaitement John Locke à l'esprit, et il a cette idée que pour un territoire aussi vaste, aussi immense que ce que représente l'Amérique de langue espagnole, eh bien, il faut évidemment une théorie politique qui permette de les rassembler, et cette théorie, c'est le fédéralisme. Mais c'est un fédéraliste au sens centralisateur. C'est pas un fédéraliste au sens décentralisateur. C'est un fédéraliste parce qu'il aime l'idée que le fédéralisme permet d'avoir une grande entité politique et de ne pas se diviser. Et c'est ce qui va l'opposer très vite à d'autres hommes politiques de l'Amérique espagnole qui, eux, préfèrent constituer des petits états-nations. Chacun étant le chef. Chacun pouvant être le chef. Alors, bien entendu, après, il y a des intérêts, je dirais, personnels qui entrent en ligne de compte. Et c'est bien ça, finalement, la tragédie de Bolivar. C'est que il va permettre l'indépendance de tout le sous-continent, d'une bonne partie de l'Amérique du Sud, de langue espagnole. Mais il va le faire avec l'aide de lieutenants, si je puis dire, de grands chefs, comme notamment Santander en Colombie, mais Sucre en Équateur, Sucre qui lui sera fidèle jusqu'au bout, tandis que ce n'est pas le cas des autres, Paez au Venezuela et bien d'autres. Et des hommes comme Paez au Venezuela ou Santander en Colombie, eux vont avoir intérêt à défendre l'idée de constitution d'États-nations plus petits, à l'échelle de ce qu'était la capitainerie du Venezuela auparavant, à l'échelle de la petite Colombie et pas de la grande Colombie. Et ces échelles-là sont contradictoires avec la vision de Bolivar, qui est une vision, encore une fois, ample quant à la nécessité d'une grande fédération hispano-américaine. D'ailleurs, dans le livre Jean-Michel Blanquer que vous avez consacré à la Colombie, la collection Que sais-je, Vous marquez qu'au fond, cette grande Colombie ou cette Colombie, c'est une idée avant de devenir une réalité, je vous cite. Et cela correspond assez bien aux dernières années de Bolivar, le conquérant finalement déçu et qui meurt en expliquant qu'il avait labouré la mer. Oui, parce que Bolivar, c'est un déductif plus qu'un inductif. Et c'est pour ça qu'on le comprend assez bien en France. Il a une idée et ensuite, les réalités doivent rentrer dans cette idée. Il est évident que on a avec Bolivar le cas typique de quelqu'un qui a été imprégné de théories venues d'Europe, qui a penser la future Amérique latine et qui a essayé de faire rentrer les réalités à l'intérieur de cela. Mais il faut bien avoir en tête l'immense hiatus entre le projet politique magnifique, impérial au sens antique du terme, grandiose, et puis la réalité sociologique, géographique, culturelle de l'Amérique de ce temps. Bolivar le voit très bien, ce hiatus. Il n'est pas aveugle, mais il essaye de le dépasser. Il faut bien se rendre compte qu'au moment des indépendances, il n'y a pas de véritable maîtrise de l'ensemble des territoires. Ce sont des grandes villes, ou des petites villes d'ailleurs, avec de grands espaces ruraux livrés à une forme d'anarchie dans bien des cas. Et ce qui est caractéristique aussi du processus d'indépendance, c'est qu'il crée en théorie de nouveaux États, mais cette création de nouveaux États ne se traduit pas par une maîtrise du territoire et par une maîtrise pleine et entière de la réalité sociale par les nouveaux États. C'est bien pour cela qu'on aura beaucoup de chaos au XIXe siècle, avec ce qu'on appelle le caudisme, et même de grandes difficultés au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, parce que dès la naissance, il y a ce problème d'une forme de faiblesse de l'État. C'est lié à ce hiatus entre, disons, la dimension théorique de la constitution de l'État-nation et puis les réalités pratiques, c'est-à-dire de vastes étendues, des populations hétérogènes et des difficultés parfois à avoir une unité nationale, tout simplement. C'est ainsi que les dernières années sont marquées par un contraste entre de brillants succès encore militaires, c'est plus un stratège qu'un tacticien, semble-t-il, et d'autre part, ces déceptions qui surviennent et qui finissent à la fin par le rendre impopulaire. Il a été dictateur au sens romain du terme, et puis on l'a souhaité tel dans les populations créoles en particulier, et puis à la fin des fins, on le lui reproche. Et pour le tempérament final, ce testament fameux où il exprime son chagrin, où il explique que la seule chose qu'on puisse faire en Amérique est d'émigrer. Il dit aussi que ce pays tombera infailliblement entre les mains de la foule déchaînée de tyrannos presque trop petits pour qu'on les remarque, de toute race et de toute couleur. Et finalement, il va mourir dans des conditions... Il est en Colombie, dans votre Colombie. Il essaye de gagner un pays étranger et il meurt en chemin. Gabriel Garcia Marquez, le grand romancier, c'est un homme de littérature, je le disais, Bolivar, sujet de littérature. On a parlé dans un livre qui s'appelle « Le Général dans son labyrinthe », qui a été publié en 1989, qui est lu dans les lundis de l'histoire sur France Culture, le 19 septembre 1994. Écoutons cet extrait. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Avant de pénétrer dans le salon, il glissa son mouchoir dans la manche de sa veste comme ne le faisaient plus que les hommes du clergé et tendit à l'un de ses aides de camp le chapeau qu'il portait. Outre ceux qu'il avait veillés dans la maison, civils et militaires n'avaient cessé d'arriver depuis l'aube. Ils buvaient du café en petits groupes dispersés et leurs vêtements sombres ainsi que leurs voix sourdes conféraient à l'atmosphère une solennité lugubre. La voix aiguë d'un diplomate se fit soudain entendre par-dessus les murmures, on dirait des funérailles. Il n'avait pas achevé sa phrase qu'il sentit dans son dos le parfum d'eau de Cologne qui saturait la salle. Alors il se retourna, tenant sa tasse de café fumante entre le pouce et l'index, et s'inquiéta de ce que le fantôme qui venait d'entrer ait pu entendre son impertinence. Mais non. Bien que le dernier voyage du général en Europe remontât à 24 ans en arrière, alors qu'il était très jeune, les nostalgies européennes étaient plus incisives que les rancœurs. De sorte que le diplomate fut la première personne à qui il s'adressa avec la courtoisie extrême que lui inspiraient les Anglais. « J'espère que cet automne, il n'y aura pas trop de brouillard sur Hyde Park, lui dit-il. « Savez-vous que je n'ai pas de permis pour quitter le pays ?» La phrase fut reçue par un éclat de rire général, bien que tout le monde sût que ce n'était pas une plaisanterie. Le général Caicedo promit de lui envoyer un passeport en règle par le prochain courrier partant pour Honda. La délégation officielle était composée de archevêques de la ville, de notables et de fonctionnaires de haut rang accompagnés de leurs épouses. Les civils portaient des manteaux en laine d'agneau et les militaires des bottes de cheval, car ils s'apprêtaient à accompagner l'illustre proscrit pendant plusieurs lieues. Le général baisa l'anneau de l'archevêque et les mains des dames et serra sans effusion celles des messieurs, maître absolu de ce cérémonial onctueux, mais tout à fait étranger au caractère de cette ville équivoque dont il avait dit à plusieurs reprises « Ce n'est pas mon théâtre ». Il salua tout le monde au fur et à mesure de son passage dans la salle et il eut pour chacun une phrase apprise en toute conscience dans les manuels d'urbanité, mais il ne regarda personne dans les yeux. Sa voix était métallique, avec des points de fièvre, et son accent caribéen, que tant d'années de voyage et de guerre en tout lieu n'avaient pas réussi à apprivoiser, semblait plus cru encore devant la diction vicieuse des Andes. Vous le retrouvez là, votre Bolivar, Jean-Michel Blanquer ? Disons que c'est le Bolivar de la fin, c'est celui qui a intéressé Garcia Marquez, qui a fait un très beau livre avec ça, comme on vient de l'entendre. C'est vraiment un livre qu'on peut recommander. Mais on ne peut comprendre ce Bolivar un peu désespéré, ce Bolivar revenu de tout, d'une certaine façon, qu'à la lumière des années éclatantes précédentes, c'est-à-dire de ces années 1820, ou après les conquêtes progressives, depuis le Venezuela, puis la Colombie, puis ce que l'on a, l'Équateur, puis le Pérou, puis la Bolivie, qui va prendre le nom de Bolivar. Le Haut-Pérou. Dans cette grande conquête qui permet de le comparer aux grands conquérants de l'histoire. On l'a souvent comparé à Napoléon, bien sûr, mais on l'a comparé à Washington aussi, bien sûr, mais on l'a aussi comparé à César ou à Alexandre, parce qu'il a, en effet, par l'ampleur des guerres de libération qu'il a menées, fait quelque chose d'assez grandiose. Et dans ces moments-là, tout semble possible. Il est finalement, là aussi, un personnage qui, au début du XIXe siècle, rappelle pourtant la figure antique par excellence. C'est pourquoi il est d'ailleurs le sujet de beaucoup d'écrits, y compris en Europe. Je pense à Casimir de Lavigne, je pense à d'autres qui l'ont... Goethe, que nous citions tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et puis, en Amérique latine, José Martí, le grand homme de Cuba. Bien sûr, il est la matrice de réflexion sur l'indépendance, et donc pour Martí, il est forcément une référence incontournable. L'échec final contribue à donner quelque chose de romantique, le héros blessé. Le moment où il dit lui-même « Je me compare à un grec fou, à ce grec fou qui prétendait diriger depuis un promontoire les navires pris dans une tempête ». Oui, il a cette dimension épique, cette dimension tragique, la capacité aussi souvent à se retirer du pouvoir, à y revenir, et donc tout ceci rappelle en effet des épisodes de l'histoire romaine, par exemple, et donc et tous les acteurs ont cela à l'esprit. Parfois, on peut avoir le sentiment presque qu'un théâtre se joue au travers de ce théâtre politique. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un moment où semblait possible le rêve bolivarien. C'est-à-dire, finalement, si on veut résumer, on a en 1819 un homme qui, au travers du véritable grand discours fondateur, le discours d'Angostura, quand finalement il présente la Constitution au Congrès, où il théorise sa pensée constitutionnelle et politique, on a le point de départ ensuite d'une sorte de marche triomphale qui va se traduire par des batailles gagnées, qu'il ne livre pas lui-même forcément, d'ailleurs certaines oui, d'autres non, parfois avec des coups de génie, des coups de dés, comme quand il contourne les Andes pour aller du Venezuela vers la Colombie. Contre les troupes espagnoles. Contre les troupes espagnoles, et à la fin, on a donc au début des années 1820 un Bolivar qui est le chef incontesté de cette nouvelle grande Colombie, qui inclut en gros ce que correspond aujourd'hui au Venezuela, à la Colombie, à l'Équateur et à Panama. Et puis, mais c'est aussi un homme de guerre qui doit immédiatement quitter le pouvoir pour aller mener les batailles, libérer le Pérou et puis fonder la Bolivie. La fondation de la Bolivie est d'ailleurs un moment assez intéressant parce qu'on voit que finalement les élites de cette partie sud du Pérou ont envie d'avoir un véritable État-nation et pour se le permettre, si je puis dire, ils offrent à Bolivar non seulement de baptiser le nouveau pays de son nom mais aussi d'en prendre la tête. Et c'est là qu'on voit les ambivalences de Bolivar puisqu'il accepte. Et donc il accepte à la fois la condition dictatoriale au sens romain du terme, mais il accepte aussi de donner son nom et d'une certaine façon il légitime quelque chose qui est en contradiction avec ce qu'il a prôné. incarnée, c'est-à-dire la création d'un nouvel État-nation qui est en contradiction avec l'idée d'une grande Amérique latine. Et puis, il est obligé de remonter vers le nord ensuite, parce que les choses se délitent en son absence à la base de l'Empire, c'est-à-dire, enfin de l'Empire, en tout cas de la nouvelle entité politique, c'est-à-dire à Bogota. C'est là que cela nous conduit, Jean-Michel Blanquer, au deuxième moment de notre conversation, de cette émission consacrée à l'actualité de Bolivar. C'est Bolivar, homme politique. Et là, en général, les historiens dont vous êtes sont plus sévères. On explique qu'au fond, il a été souvent gauche, utopique, grandiloquent, mal informé, souvent à côté de la question, là je cite encore Yves Saint-Jour, il fait piètre figure, en somme, puisqu'il prône l'émancipation des esclaves, puis se félicite bientôt que l'albocratie, le pouvoir des Blancs, règne au Venezuela. Il s'attendrit sur le sort des Indiens, mais dès que l'un d'entre eux se rebelle, il songe quasiment à un génocide. Et au fond, après la liberté, il veut montrer la poigne. Il lutte contre les monarques, contre les tyrans, mais il veut imposer une présidence à vie tout en disant que c'est quelque chose de dangereux. Il y a des citations qui vont un peu dans tous les sens. La seule façon de trouver une cohérence entre tous les éléments que vous venez de rappeler, c'est, s'il vous plaît, c'est une distinction, disons, entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire qu'il y a un idéal. Cet idéal, c'est un idéal qu'on peut qualifier de républicain, un idéal d'égalité, inspiré par le rousseauisme, et par toutes les théories et toute la vision des Lumières. Mais en même temps, il est conscient de l'extrême fragmentation géographique, politique, culturelle, sociale des sociétés en question. Et il a peur d'une forme d'anarchie liée à l'analphabétisme, liée aussi au fait que l'ensemble de ces territoires ont été dans une situation passive jusqu'à présent, qui a été la situation coloniale vis-à-vis de l'Espagne. Et donc, conscient de tout cela, il essaye de le théoriser, là aussi, en faisant appel à des références antiques, et notamment aux théories de la dictature, c'est-à-dire la nécessité d'un pouvoir fort, même si ça n'est pas pour toujours, de façon à assurer une forme de transition entre ces sociétés passives, pour qu'elles deviennent ensuite des sociétés actives. Donc, il n'y a pas de racisme, pour employer un mot plus moderne, dans la pensée de Bolivar. Il était très influencé par ce qu'il a connu à Haïti, même par son enfance. Il a donc une forme de proximité avec les enjeux de la question noire et de la question indienne. Mais en même temps, il a très peur du fait que les sociétés se divisent et qu'il y ait des ferments d'anarchie dans ces sociétés. Donc on trouve des choses très contradictoires sur ces questions à différents moments de sa vie. Et ce sont ces contradictions qui expliquent que des partis aussi différents, des familles d'esprit aussi opposées, aient pu, dans la suite des temps, se réclamer de lui. Je voudrais vous faire entendre d'abord une chanson. Ça, on est du côté du gauchisme, de la gauche ou de l'extrême gauche. Une chanson qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait Sangueo para el regreso. Je suis pas sûr de parler bien espagnol. Interprétée par le chanteur vénézuélien Ali Primera en 1981. C'était un chanteur qui a d'abord été communiste et ensuite a été socialiste et qui imagine le retour de Simon Bolivar et son désespoir s'il découvrait les conditions de vie des pauvres dans le continent sud-américain. Si Jésus-Christ a chassé les marchands du temps, Bolivar aussi est revenu pour libérer son peuple. Ça, on l'avait pas vu encore, comparaison entre Jésus-Christ et Bolivar. Allons-y à sa rencontre. On dit qu'il vient à cheval, mais il apporte avec lui un arsenal de tendresse qu'il sème en la patrie. La patrie est une mère et il est revenu pour l'aimer contre ceux qui se révèlent dépouillés et qui, au lieu de caresses, n'apportent que la violence. Je ne sais pas si Chavez aurait été d'accord, vous allez nous le dire. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dice que viene a caballo, pero trae en la gualdrapa un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle cariño caricias lo que hacen es manosearla. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro, vámonos. Alors le voilà à gauche, à l'extrême gauche. Nous savons que Chavez a donné, je le rappelais tout à l'heure, l'adjectif bolivarien à sa république. D'ailleurs, il est frappant que Hugo Chavez aimait à faire rime à Bolivar, enfin plagier ce qu'il disait, son fameux discours serment du Mont Sacré, dont je vous ai donné un bref extrait à l'intérieur de notre générique. Bolivar parlait de l'indépendance américaine. Et Chavez déclarait « Je jure de ne donner repos ni à mon âme ni à mon bras avant d'avoir éliminé le dernier vestige de l'oligarchie qui a trahi. » Oui, chacun sait que Hugo Chavez faisait de Bolivar une sorte de demi-dieu de référence. Alors il faisait surtout référence au Bolivar de Angostura, justement, de 1819, le Bolivar le plus républicain possible. Mais il pouvait aussi s'appuyer sur Bolivar pour défendre les pouvoirs exceptionnels qu'il souhaitait exercer lui-même. Donc il était assez à l'aise aussi avec cette dimension, disons, peu démocratique de Bolivar. Naturellement, quand Chavez a aspiré à une présidence à vie, il a pris également la référence de Bolivar qui avait demandé d'être président à vie. J'observe que Guaido, le rival de Maduro, se fait photographier en agitant une photographie de Bolivar. Bien sûr, Bolivar appartient à tout le monde et Bolivar peut être approprié par tous, encore une fois, parce que il a eu plusieurs pensées à plusieurs époques de sa vie, mais surtout parce qu'il est le fondateur. Donc il est de toutes les façons incontournable. C'est, encore une fois, de ce point de vue-là, il peut être comparé à Washington aux États-Unis. Si on n'a pas fait comme Chavez l'a fait, on n'a pas retiré la dépouille, les cendres de Washington, alors que Chavez, effectivement, l'a fait sortir. Il a fait d'ailleurs un monument au centre de Caracas qui est assez... qui a attiré quelques critiques. Oui, oui, parce que c'est vraiment le culte de la personnalité poussé à son maximum. Et cette vision de Bolivar, elle est encore une fois le fait de différents camps politiques. En Colombie, on considère que le camp du parti conservateur, puisque pendant très longtemps on avait une division entre parti libéral et parti conservateur, correspond plus ou moins à une division gauche-droite, eh bien le parti conservateur avait comme référence Bolivar, tandis que le Parti libéral avait plutôt comme référence Santander. Donc on peut avoir un Bolivar de droite, un Bolivar de gauche, un Bolivar de l'extrême-centre, d'une certaine façon. Il est vraiment plastique, ce garçon. Il est plastique, mais c'est aussi parce qu'il est, encore une fois, le fondateur. Et de ce point de vue-là, il est complètement incontournable. Et ça continue au XXe siècle, puisque la Société des Nations, en 1930, pour le centenaire de sa mort, en fait un personnage qui est supposé surplomber les ambitions de la nouvelle communauté internationale. Oui, mais cette référence-là n'est pas fausse non plus, puisque il est exact qu'on voit chez Bolivar une pensée de la paix, une pensée de l'idéal d'unité des nations. On a même une pensée de l'idéal démocratique qu'on peut trouver chez Bolivar. Donc cette référence-là, elle est possible, elle ne paraît pas totalement infondée de la part de la Société des Nations en 1930. Plus tard, l'UNESCO crée un prix Bolivar. Et la première année, on l'attribue simultanément au roi Juan Carlos, le jeune roi, et à Mandela. Entre Mandela et Bolivar, je ne sais pas si même Plutarque aurait pu faire une vie parallèle. Oui, c'est possible parce qu'on a quand même à chaque fois des personnes qui luttent pour la liberté. C'est quand même le point commun. Et Bolivar, ne l'oublions pas tout de même, c'est quand même celui qui... dès sa première vie, si je puis dire, a été dans cette philosophie de la liberté, de l'émancipation vis-à-vis de la capitale Madrid. Et donc, de ce point de vue-là, il peut être attaché à tous ceux qui, à un moment donné, se sont battus politiquement pour une libération. Mais à propos de la variété des interprétations ou des usages, des instrumentalisations possibles du Libertador, on peut se porter aussi vers l'Italie de Mussolini, puisque le fascisme a souhaité en faire un héros. Éric Garibaldi, le petit-fils du héros des deux mondes, qui avait été rallié au Duce, disait en présence de celui-ci le 12 décembre 1930, « Dans le Duce Mussolini, je vois la réincarnation de certains traits de l'esprit de Bolivar, la même ardeur religieuse, la même foi inébranlable dans la destinée de la patrie et dans sa propre destinée, inspire le Duce. La dictature de Bolivar représente cependant quelque chose de plus, c'est un vrai césarisme qu'il tenait pour absolument naturel, inspiré des modèles romains. » Oui, mais ça n'est pas non plus étonnant, puisque en effet, il y a d'abord cette dimension de latinité que l'on a vue tout à l'heure avec l'extrait du général de Gaulle. Et puis, c'est vrai que Bolivar est tellement imprégné d'histoire romaine que forcément, cela crée des correspondances avec cette Italie qui, à son tour, cherche ses racines romaines. Et puis, c'est vrai que Bolivar a usé et abusé de la référence à César et de parfois de la nécessité de la dictature. C'est vraiment important de saisir dire que Bolivar, finalement, recherche sans arrêt l'unité. Il recherche à lutter contre les éléments de fragmentation, contre les éléments de désagrégation. Au fond, c'est le seul de tous les libertadores qui s'est préoccupé de l'unité. Oui, parce qu'il voyait large. Il voyait au-delà de la seule libération du territoire qui l'environnait. Il voyait la libération du continent. Et c'est ce qui fait la grande différence avec les autres libertadores d'Amérique latine. Il y a un moment qui est très important quand San Martín, qui est le libérateur de l'Argentine, rencontre Bolivar à mi-chemin, en quelque sorte, lorsqu'il se retrouve à la croisée de la descente vers le sud de Bolivar et de la montée vers le nord de San Martín. Et c'est finalement Bolivar qui prend l'ascendant, naturellement, sans conflit, parce que c'est lui qui est porteur de cette vision ample, c'est lui qui l'a théorisé. Il n'est pas simplement le chef d'une entité politique qui cherche à se libérer d'une plus grande entité politique, il est le visionnaire d'un continent et perçu comme tel par tous ceux qui sont avec lui. Donc c'est cette vision ample qui est elle-même nourrie d'histoire, et notamment d'histoire romaine, qui fait ces correspondances que vous venez de rappeler. Et dans le même temps, il ne cesse pas d'être revendiqué par des groupes souvent extrémistes. À nouveau, on peut citer le vol de l'épée de Bolivar dans la Colombie, dont vous êtes un spécialiste, Jean-Michel Blanquer, par le mouvement M19. Épisode révélateur. C'est un épisode très révélateur parce que le M19, qui était une guérilla un petit peu moderne, si je puis dire, cherchait à faire appel à des symboles. Et en dérobant l'épée de Bolivar, ils ont se sont appropriés le symbole par excellence et ils ont fait appel à l'imaginaire, et un imaginaire collectif que tout le monde comprend dans cette partie du monde, parce qu'encore une fois, Bolivar, c'est le fondateur. Et de ce point de vue-là, il est totalement incontournable. Il est la référence politique appropriable par chacun. Je crois que nous l'avons bien démontré. Je voudrais que nous terminions cette conversation, Jean-Michel Blanquer, en évoquant un livre assez récent que vous avez publié avec Marc Millet sur deux très grands juristes du début du XXe siècle en France, Duguy et Hourioux, qui tous les deux, c'est une transition qui n'est pas artificielle, se sont comme constitutionnalistes intéressés au régime d'Amérique latine. C'était Léon Duguy et Maurice Hourioux. Je voudrais que vous nous en disiez un mot de ce livre qui s'appelle « L'invention de l'État ». C'est un livre qui, avec Marc Millet, nous a pris très nombreuses années à réaliser, que nous avons publié il y a environ 3 ans. Et nous avons voulu faire quelque chose qui s'est très peu fait en France jusqu'à présent, c'est-à-dire raconter la vie des juristes. Parce que très souvent, le droit apparaît comme une discipline un petit peu lointaine, incompréhensible, voire austère pour ceux qui ne le pratiquent pas. Vous dissimulez comme personnalité, vous les juristes ? En tout cas, on n'incarne pas assez, c'est certain. Et en étudiant la vie de très grands professeurs de droit que furent Léon Duguy et Maurice Hourioux, en fait, on voit le cheminement d'une pensée. D'ailleurs, là aussi, c'est des pensées qui, évidemment, comme cela arrive souvent, au cours d'une vie, évoluent. Et donc, ça permet de comprendre les arrière-plans politiques, philosophiques, culturels, derrière les théories juridiques de ces deux hommes qui sont à l'origine de la théorie du service public en France, et d'une certaine façon qui sont aussi à la préhistoire de la Ve République, parce que leur critique des institutions de la Troisième République préfigure quelque chose de la Ve République. Et là, on peut faire un parallèle et avec la pensée de Bolivar, et avec ce qu'on a entendu du général de Gaulle tout à l'heure, parce que... Merci monsieur, vous gardez l'unité de notre émission. J'essaye, mais ça n'est pas artificiel, parce que parmi les éléments très importants de la pensée constitutionnelle de Bolivar, il y a la théorie du régime mixte, que Bolivar a hérité de Polybe. Et la théorie du régime mixte, c'est cette idée que, pour arriver au régime le plus parfait possible, on doit mélanger les vertus de la démocratie, les vertus de l'aristocratie et les vertus de la monarchie, et de façon à arriver à la stabilité. Et nous l'avons, ça y est, nous l'avons. Les vertus de la monarchie, c'est un pouvoir exécutif fort. Les vertus de l'aristocratie, eh bien, c'est d'avoir une élite qui, d'une certaine façon, structure l'État. Et puis les vertus de la démocratie, c'est la participation du peuple et le fait qu'il puisse guider la destinée de la nation. Et cette théorie du régime mixte, Bolivar la déploie, et notamment dans son fameux discours d'Angostura. Et la Ve République, d'une certaine façon, est héritière de la théorie du régime mixte, parce qu'il y a cette idée à la fois d'un pouvoir fort, d'une, bien entendu, malgré tout, d'une dimension parlementaire qui reste constitutive, et donc du pouvoir du peuple. On a aussi, avec l'élection au suffrage universel du président, évidemment, une consécration du pouvoir du peuple. Mais on a aussi, au travers de la consécration de la chambre haute, cette idée d'une chambre qui incarne le principe aristocratique. Alors c'est plus vrai de la chambre des lords britannique que du Sénat français, mais le régime mixte, c'est cette idée-là. Ce qui est certain, c'est que ces deux professeurs de droit ont littéralement accompagné la naissance de l'État moderne en France. C'est-à-dire, au moment si décisif de notre vie collective, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, quand la France consolide la République, elle la consolide notamment au travers d'un régime constitutionnel qu'il faut à la fois analyser et faire évoluer, c'est ce qui se passe grâce à la doctrine de droit public de cette époque, mais aussi au travers de son administration et à travers du nouveau droit administratif qu'élabore le Conseil d'État. Maurice Oriot a été le grand commentateur des arrêts du Conseil d'État au moment où le Conseil d'État émerge dans sa forme moderne à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et cette théorisation de la jurisprudence du Conseil d'État permet de faire émerger une théorie du service public, une théorie de la puissance publique, une théorie des libertés publiques, et dont nous sommes encore les héritiers aujourd'hui, et qui est d'une certaine façon l'ossature de notre pays. Eh bien, cette culture juridique française crée une parenté avec de très grandes régions du monde, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Et ça nous renvoie à des enjeux très contemporains et qui eux-mêmes font écho à ce qu'on a pu dire sur Bolivar aujourd'hui. Eh bien, nous avons élargi, Jean-Michel Blanquer, la focale d'une manière que je crois bienvenue pour clore cette conversation sur Bolivar et sa trace. Je rappelle que vous avez publié dans la collection Que sais-je un ouvrage consacré à la Colombie. Vous y avez travaillé, vous y avez séjourné. Que le livre sur Duguit et Maurice Oriot s'appelle L'invention de l'État et la naissance du droit public moderne, paru chez Odile Jacob. Pour revenir à Bolivar, une des principales biographies est celle de Pierre Vessière, paru chez Payot. J'ai cité également Yves Saint-Jour, qui, avec Marie-Danielle Demélas, a publié Une vie quotidienne en Amérique du Sud au temps de Bolivar, 1809-1830. C'est un livre déjà ancien, mais toujours précieux, paru chez Hachette en 1987. Et puis, hommage aussi, dans la collection si importante pour nous les historiens, de la Nouvelle Clio, hommage au livre de François Chevalier et Yves Saint-Jour, L'Amérique latine, de l'indépendance à nos jours. Vous avez publié d'autres choses sur la Colombie, en collaboration, je crois, Jean-Michel Blanquer. Oui, mais souvent en espagnol. Mais sinon, il y en a un qui s'appelle La Colombie à l'aube du troisième millénaire, mais qui est maintenant, qui commence à être un petit peu daté. Merci beaucoup. Merci d'être venu à ce micro. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, vous pourrez, vous le savez, trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette conversation avec Jean-Michel Blanquer sur Bolivar. Samedi prochain, est-ce que vous lisez Black et Mortimer, Jean-Michel Blanquer? Oui, en amateur. En amateur. Eh bien, la semaine prochaine, nous consacrerons notre émission à Edgar P. Jacobs et à ses héros immortels, Black et Mortimer. Et pour cela, je recevrai naturellement Pascal Horry. Eh bien, tout en vous proposant la chanson Simon Bolivar du groupe chilien Inti Illimani en 73, interprétée par Max Beru, une chanson qui nous dit « Simon Bolivar, Simon, ressuscité dans les mémoires, couvri dans un autre temps l'histoire, notre époque t'attend, Simon ». Je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Domitilde Gavrilov et Claire Poinsignon, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Claude Niort à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, Marie Chauveau et Inès Barja. Et dans quelques instants, je vais passer le relais, je ne sais pas si elle va parler de l'Amérique latine, à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.